À l'occasion du 65e anniversaire de la création du chef-d'œuvre classique « Le Giron de ma patrie » par le général Kim Jong-il, le palais des enfants de Mangyongdae a abrité le 1er août la représentation de poésie et de chant des enfants sous thème « Notre patrie et le giron de notre maréchal ». Y ont assisté Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti et autres cadres intéressés, les permanents de l'Union de la jeunesse et les enseignants élèves de la ville de Pyongyang.